Frédéric Durand vous présente des figures marquantes et moins connues du rock psychédélique et artistique des années 60 à aujourd'hui. Des chroniques littéraires et cinématographiques viennent également agrémenter cette émission qui souhaite poser un regard critique sur les genres qu'elle aborde. Le voyage insolite, tous les lundis soirs, 19h. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM qui parle des vraies affaires, mais pas les mêmes vraies affaires que les libéraux apparemment. Vous êtes accompagné de moi-même, Sébastien Gartin, et du délicatement hirsute Lucas Hubert. C'est moi! Comment s'est passée ta semaine, Lucas? Oh, ma semaine, moi, ça l'a bien été. J'ai suivi légèrement l'actualité parce que, comme tout le monde sait, on est en fin de session. Fait qu'on a d'autres choses à faire. Mais ça reste que j'ai quand même... Il y a des petites affaires du PLC qui m'ont fait essourire et dessourire. Je vais commencer par les fleurs. Le PLC a changé dans un congrès la constitution du parti. Dans le fond, ils vont carrément c'est abolir la constitution du parti. Ce qui va faire que, en fait, la prochaine fois qu'il va avoir une course à la chefferie, ça sera pas seulement les gens qui ont une carte membre qui vont pouvoir aller voter, parce que ça n'existera plus vraiment comme une carte membre du parti. Ça va être tout le monde qui va pouvoir aller voter et pour le chef de parti, mais aussi tu sais pour les prises de position du parti, tout ça. Ce qui fait que, officiellement, le Parti libéral du Canada est rendu... Le parti, où est-ce qu'à l'interne, ça fonctionne le plus démocratiquement au fédéral, ce qui est vraiment à l'opposé, si on pourrait dire, du Bloc québécois, où est-ce qu'ils sont capables de ramener un vieux chef unilatéralement sans même qu'il y ait un vote de qui que ce soit. Fait que c'est une très bonne chose. Ça va rapprocher peut-être un peu les courses à la chefferie du PLC, des primaires américaines, où est-ce que carrément c'est un peu tout le pays qui va voter. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Ça, c'était les fleurs. Maintenant, j'y vais avec le pot. Exactement. Ils ont sorti ce matin la loi sur l'aide à mourir. Qui était censé être un peu calqué sur la loi québécoise, parce que la loi québécoise, on se rappellera, il y aura eu des années de consultation là-dessus, puis ça a été, adopté unanimement à l'Assemblée nationale, pour finalement être complètement inapplicable parce que les gens veulent juste pas l'appliquer. Là. Ouais, ça c'est un autre sujet, mais de toute façon, la loi, il y a pas personne qui disait que la loi était mal faite. Mm-hmm. Eux autres, par contre, on sait bien qu'il y a peut-être certains mouvements dans le Canada anglais qui sont un peu plus réticents. Donc, ils ont resserré un peu la patente dans le but que, il y ait moins de gens qui aient accès à ça. Sauf que là, les termes qui ont été choisis sont extrêmement flous. En fait, ce que le projet de loi qu'ils ont déposé ce matin dit, c'est que la mort naturelle doit être en outre devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l'ensemble de la situation médicale, sans pour autant qu'un pronostic ait été établi quant à l'espérance de vie. Ils n'ont pas lu leur rail de guerre, eux autres, hein? Non. On va tous mourir à un moment donné. Ouais, non, c'est une certitude. C'est quoi une raisonnable prévisibilité de mourir? C'est quoi ça? C'est assez raisonnable de dire que le patient va mourir un jour parce qu'à date, il n'y a personne qui n'est pas mort là, dans la vie. Là. Donc, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est pas très drôle. Ce projet de loi-là va juste donner de la job à des avocats, honnêtement. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir mourir, il y a des gens qui vont s'y opposer, puis ça va traîner en cours parce qu'ils n'auront pas voulu faire un projet trop explicite puis trop qui utilise des termes... On va se baser sur nos habitudes britanniques de « Ah, les juges et les avocats s'occuperont des détails. » Effectivement. Ce qui m'a fait rire, par contre, puis honnêtement, je dois lever mon chapeau à Gérard Deltel, parce que Gérard Deltel, on sait, il était à l'Assemblée nationale. Il a été des députés qui ont voté pour le projet de loi pour l'aide à mourir au Québec. Puis là, il se ramasse, on se doute tout qu'il va se présenter à la chefferie du Parti conservateur, qui est le parti où est-ce que, on s'entend, on peut pas vraiment dire qu'on est pour ça, l'aide à mourir. Fait que là, tu sais, il va dans des tribunes un peu partout, puis il parle contre le projet. Puis je me dis, merde, comment est-ce qu'il peut comme être cohérent avec ça? Puis j'ai écouté une entrevue de lui, puis honnêtement, c'est vraiment un habile rhéteur. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas tant l'aide à mourir qui le dérange. Il dit, c'est l'acceptabilité sociale. Puis t'es comme, OK. Il dit, ce qui m'a permis de voter pour le projet d'aide à mourir au Québec, c'est le fait qu'au Québec, justement, il y a eu des consultations pendant des années, la population a pu se prononcer, des comités d'experts sont penchés là-dessus, et finalement, ça l'a fait que quand le projet de loi a été adopté, bien, la population l'acceptait, les députés l'acceptaient, puis tout le monde était conscient un peu des enjeux qui étaient là. Ils disent, alors qu'au fédéral, ce qu'on arrive, c'est qu'on a un parti au pouvoir qui veut imposer cette loi-là sans vraiment faire de consultation, sans nécessairement préalablement préparer la population à ça. Il dit, puis moi, c'est ça qui me choque, c'est la raison pour laquelle... Puis honnêtement, c'est très habile, c'est très bien dit. Ouais, c'est vraiment artistique comme avalage de couleuvres, ça. Absolument. Donc, je voulais quand même le féliciter un peu, mais sinon, toi, ta semaine... Ben écoute, moi, premièrement, j'ai entendu dire que ça a l'air que c'est passé de quoi dans les sports, là, genre le Canadien a perdu, je sais pas quoi, fait que, en tout cas, il y en a qui s'intéressent apparemment, pas nous autres. Ensuite de ça, ben moi, en fait, contrairement à toi, moi, j'étais pas en rush de fin de session en tant que tel, mais oui, en même temps, en tout cas, c'est un peu compliqué, c'est ça, d'être tard dans sa maîtrise, dans la rédaction. Ouais, dans les limbes de la rédaction, puis dans même temps, faire un cours qui sert pas à grand-chose à Sherbrooke. Donc, j'étais en fin de session, puis pas en même temps. Fait que effectivement, ça a été une drôle de semaine pour moi aussi. En plus, comme je t'ai dit tantôt, je me suis barré le dos. Je m'excuse si je manque de dynamisme aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait une semaine que je dors pas. Habituellement, tu fais la split en faisant tes chroniques, hein? Ouais. Ouais, là, ouais, ça arrivera pas. Non, les backflips, on oublie ça aujourd'hui. OK. Donc, sinon, à part de ça, ben il y a des gens qui ont passé une plus mauvaise semaine que moi. une personne en particulier. Une personne, d'ailleurs, aussi, qui a une barbe. Et qui est connu pour scraper des campagnes électorales qui étaient dans la poche. J'entends par là Thomas Mulcair, Tom, de son petit nom. En fait, pour ceux qui ont suivi un peu, en fin de semaine, il y avait le grand congrès national du NPD en Alberta. Et le résultat final de ça, ça a été que... Ben, en fait, on nous disait « Ah non, tout va très bien, on va laisser une chance à Tom, Les gens comprennent ce qui s'est passé, les militants ils veulent juste travailler à l'avenir, puis tout ça. Puis tout allait bien, puis bang, 48% seulement en faveur de le garder comme chef, donc c'est historique, ça passe pas. C'est jamais arrivé dans un parti au fédéral qu'il y ait un si beau taux de confiance. C'est assez impressionnant, puis on s'entend, Bernard Landry, on se rappellera au Québec, entre autres, c'est comparable, ça n'est pas en même temps. Bernard Landry avait démissionné alors qu'il avait eu, je pense, 80% lui, s'il avait vu le 20% des gens sont contre lui, donc... Exact. Puis ça, il a toujours dit que ça a été un de ses plus grands regrets. Mais ça doit être dur pour le NPD de voir, de suivre un peu les élections aux États-Unis, puis de voir qu'il y a un vrai gars de gauche qui a des... peut-être chance, alors que eux, c'était traditionnellement le parti de gauche, le parti des intellectuels, puis finalement, mais ils sont un peu fait trahir de l'intérieur. Il y a eu un excellent article dans le Vice, que, en fait, j'ai pas fini de le lire parce qu'il est très long, en c'est fait. C'est un texte love. Il est excellent, par contre, puis il compare le fait que dans le Convention Center, où ce que ça avait lieu, la première chose que les gens remarquaient en arrivant, c'est que l'escalier mécanique, tu sais, l'escalier roulant là, dans le fond, là, ouais. À l'entrée était brisé, puis les gens devaient prendre l'escalier normal à la place. Puis la raison pour, en fait, il était pas brisé, il était fermé, puis c'était pour dire qu'il était en processus de modernisation. Puis c'était très drôle après ça de voir qu'au nom de la modernisation du parti, on a retiré, par exemple, toutes les références au socialisme dans la plateforme. Mais ça s'est fait sous Jack Layton. Ça s'est fait sous Jack Layton, effectivement, mais c'est quand même un processus. Exact. C'est ça, d'ailleurs, c'est un peu le côté obscur de Jack Layton. En fait, on l'a toujours vu comme le papa cool de la gauche, mais c'est quand même lui qui a fait cette chose décisive-là qui change un peu l'âme du parti, en quelque part. On sait aussi une autre chose qui est ressorti là-dedans. Il y a le NPD Alberta, dans le fond, le NPD provincial de l'Alberta, qui est présentement le gouvernement. Qui est la première ministre de l'Alberta présentement, c'est Rachel Notley, qui est une grande défenseresse du pétrole et du pipeline. Donc là, ça l'a un peu forcé, puis ça crée une espèce de schisme à l'intérieur du parti. Parce que là, il y a d'un côté, il y a ceux qui sont très, très, très à gauche. Il y a eu un texte qui a été publié, dans le fond, une espèce de manifeste. Oui, le Leap Manifesto. The Leap Manifesto, hein. Exact. Qui a été écrit, entre autres, par Naomi Klein. Oui, effectivement. Puis par je sais plus qui, un autre monsieur. Mais il s'est dit bien des choses là-dessus parce que c'est clairement de la gauche. C'est vraiment le NPD doit reprendre son héritage de parti de gauche, de parti des travailleurs. Puis de l'autre côté, il y a la force de présentement, le NPD où ce qui a réussi, c'est en Alberta. Exact. Qui sont, on les surnomme un peu de manière un peu condescendante, les pétro-révolutionnaires, là. Parce qu'eux autres, en fait, leur projet de gauche, c'est de recommencer l'exploitation du pétrole pour financer les services publics. Parce que là, présentement, ça va pas bien en Alberta avec le prix du baril pis tout. Puis c'est ça, l'exportation, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas eu leur pipeline pour le sortir, leur pétrole sale. Puis là encore, il y a toute la dynamique de mettre ça sur le dos du Québec parce qu'on a fait, on a fait l'erreur d'être les derniers à refuser le fameux pipeline parce qu'il a été proposé aux États-Unis puis en Colombie-Britannique avant. Il a été refusé aux deux places. C'est ça. Donc, mais je me sinon, dis... as-tu vu aussi la une que le McLean's a faite là-dessus? Ah oui, qui est ridicule. Vraiment... Ça, d'ailleurs, il va falloir qu'on le mette sur la page Facebook. Puis ce coup-là, je ne vais pas l'oublier. Les deux dernières semaines, j'ai oublié de mettre les trucs sur Facebook. Là. Mais la couverture du McLean, c'était... comme quoi que le NPD avait trahi son essence puis que le NPD courait à sa perte. Là. Je ne sais plus c'est quoi exactement le titre, là, mais c'est vraiment un titre alarmiste. Puis on se rappelle que le McLean a quand même des intérêts dans le pétrole. Fait qu'ils disent, ouais... Ils font peut-être pas ça de manière totalement objective. Hein? Oui, puis tu vois, sur la couverture, tu as une espèce de titre tragique dont je non plus je me rappelle plus trop ce que ça dit, mais que tu as... Puis en dessous de ça, puis c'est tout orange, puis tu as Naomi Klein et l'autre monsieur qui a écrit le truc. Exact. Qui ont un petit sourire en coin, les deux, comme « on a réussi à foutre le trouble ». Ah non, c'est vraiment une couverture malhonnête. Ah, c'est effrayant. Mais... J'avais une autre chose à parler. Il y a une autre mauvaise chose qui s'est passée cette semaine qui me dit que je ne suis pas si pire que ça. L'UEC est finalement fondée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bon, l'UEC, c'est l'Union étudiante du Québec, qui est une nouvelle association nationale. Je pense que j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que les assos nationales, c'est de la scrap. Sinon, de toute façon, je vais en reparler plus tard. Mais une chose qui résume assez bien le pourquoi et la drôlerie de la chose, j'ai trouvé ça sur la page Facebook « Entendu en Assemblée générale », qui est d'ailleurs très drôle. Je vais mettre le lien aussi sur la page Facebook tout de suite après notre émission. Et en gros, ça dit... Pis ça, c'est vraiment quelque chose qui a été dit. C'est ça, le but de cette page-là. Là, c'est vraiment des citations réelles de gens en Assemblée nationale qui sont très drôles. Donc, dans le congrès de fondation de l'UEC en janvier 2016... On dit, mais pourquoi on fait juste pas prendre les règlements généraux de la FERC? Puis là, ceux qui connaissent la FERC vont la trouver drôle, les autres vont faire, mais de quoi ils parlent? la FERC, en gros, c'était la Fédération étudiante universitaire du Québec, des étudiants universitaires du Québec, qui était en gros une grosse mafia qui vivait sur les cotisations étudiantes et qui payait des cellulaires neufs à tous les ans à leurs employés et ainsi de suite. Parlant de mafia, je crois qu'on est rendu au champion de la semaine. Je pense que oui! Ça manquait de fluidité un peu. Ça manquait de fluidité, ceci étant dit, c'est pas grave. Les deux, on est fatigués, on vous l'a dit, fait que c'est correct. Donc, notre champion de la semaine, premièrement, qu'est-ce que le champion de la semaine? C'est quelqu'un qui s'est distingué dans l'actualité par ses déclarations ô combien... qui honore l'humanité au complet, en fait. Puis cette semaine, on a choisi un gros poisson. Parce que, bon, ce n'est un que... Les deux, on a été actifs en 2012, puis on l'a... On l'a un peu des... C'est pas notre grand ami, mettons. Puis, en fait, c'est Jean Charest, notre ancien premier ministre de 2003 à 2012, justement. Ouais. Il est parti en une élection par rapport à sa gestion du ce qu'on appelle le printemps érable. D'ailleurs, il a finalement fait une mauvaise job dans ce cas-là que le PQ a gagné, malgré le fait que c'était Pauline Marois qui était à sa tête à ce moment-là. Puis que toutes les gaffes possibles ont été faites. Mais bref, c'est pas pour parler de ça. C'est que, on se rappelle dans les dernières semaines, Il y a eu sa maman et Nathalie Normandeau qui ont les deux été éclaboussés par des scandales liés à la corruption. Ces deux ministres de l'ère Charest, parce qu'on peut parler d'une ère Charest, ça a duré presque 10 ans son règne. Ouais, quand même. Moi, je trouve que j'appelle plus ça un règne, en fait. Moi, Charest, je l'ai toujours comparé à l'empereur Palpatine dans Star Wars. Donc, d'ailleurs, vous remarquez que l'acteur qui joue quand il n'est pas magané, il a même un petit air de famille. Il agissait un peu la mâchoire, les deux se ressemblent un peu. Mais je vais arrêter avant de me faire poursuivre pour diffamation. mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, Sam Hamad et Nathalie Normandeau, dans les dernières semaines, éclaboussées par la corruption, c'était deux ministres de premier plan sous le règne de Jean Charest. Nathalie Normandeau était même a été considérée pendant un certain temps comme son bras droit ou sa brasse droite. toujours féminiser les termes. Ouais, c'est ça, toujours féminiser les termes. C'est ça. Et Jean Charest a donné une conférence la semaine dernière à l'Université McGill. Dans laquelle il expliquait comment redonner foi à la population envers le milieu politique. Ce qui est extrêmement ironique, parce qu'on s'entend que présentement, une des raisons qu'on est cynique, c'est qu'il a passé 10 ans à scraper un peu notre modèle de société. Puis d'ailleurs, ouvrage que son successeur, Philippe Couillard, est en train de continuer allègrement. Passer le flambeau. Ce qui est encore plus drôle, c'est que, on s'entend, le Sam Hamad, là, en particulier, c'est particulièrement incriminant ce qu'on sait sur lui. Je veux dire, il n'y a pas de défense, là, à part de plaider la pure ignorance. Ce qui serait quand même logique dans son cas. Ouais, ce qui serait pas incohérent, effectivement. Mais quand même, on aimerait ça qu'il se fasse un peu plus taper ses doigts que ça. Nathalie Normandeau, c'est en justice, donc on sait pas trop ce qui se passe avec ça. Une chose très drôle, c'est que Monsieur Charest est allé dire qu'il avait encore toute sa confiance à ces deux personnes-là, dans le fond, à Sam Hamad et à Nathalie Normandeau. Il a encore toute sa confiance. Ces deux-là ont encore toute sa confiance et ils considèrent qu'ils sont très intègres comme personnes puis tout ça. Fait que c'était comme la coche de trop. On se rappelle un dialogue, entre autres, pour ceux qui ont vu Batman Begin avec Christian Bale, à un moment donné, il y a une petite scène où un policier crush parle avec Falcone, c'est Falcone dans Batman Begin, je suis plutôt sûr, le chef de la mafia de Gotham City. Je sais pas, moi, j'ai vu les Batman au cinépark, si je veux dire que j'ai pas vu les Batman. Mais en gros, ils sont en train de faire des plans pour faire un gros coup, puis là, le policier crush, il dit « Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment que ça va passer? » Puis là, Carmine Falcone lui répond « Ne sous-estime jamais la capacité des gens de la ville à accepter des imbéciles, à accepter des choses comme ça. Ne les sous-estime pas dans leur ignorance et dans leur... Puis là, je paraphrase plus que je cite, là, on dirait, puis ça a toujours été ça l'impression que ça a donné sous le règne Charest, on dirait vraiment qu'ils se disent ça, nous autres, qu'ils vont toujours l'accepter. Puis même ça, finalement, ça n'a pas passé. Il a même pas pu terminer son allocution, en fait. Les gens ont demandé de sortir parce que c'était trop n'importe quoi. C'est deux manifestants, en fait, qui sont rentrés. Les vidéos sont sur YouTube. C'est deux manifestants qui sont rentrés puis qui ont commencé à scander Charest, trou de cul, etc. Bon. C'était tout. Ben là, on est rendu segment politique fiction. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu. Ouais. Moi, je vais vous parler cette semaine de Captain America, la Civil War, qui va commencer bientôt. On entend un peu, d'ailleurs, la trame sonore derrière moi. Je tenais à le faire avant que le film sorte, la raison étant que, la semaine passée, je suis allé voir Batman contre Superman, et je me suis dit que j'avais eu raison d'en parler avant que de voir le film, parce que c'est pas très bon, puis j'aurais rien eu à dire si j'avais voulu en parler après le film. Fait que je prendrai pas de chance, puis avec Captain America aussi, je vais en parler avant. Mais juste parenthèse, en fait, les critiques sont sorties de Civil War, puis ils disent que c'est le meilleur du Expanded Universe à date. Bon, tant mieux. En termes de profondeur et de... Même si tu enlèves toute la partie blockbuster, apparemment, même les critiques les plus artistiques considèrent que c'est quand même un très bon film. Bon, tant mieux. Ce qui arrive, je vais vous raconter un peu c'est quoi Captain America. Dans le fond, c'est que dans les comics, ça s'appelle juste Civil War, et c'est pendant un an de temps, tous les comics qui sont sortis se passaient pendant la Civil War. ce qui arrive dans les comics, c'est que, bon, on s'imagine qu'il y a une gang de jeunes avec des super-héros, mais avec des super-pouvoirs, mais des petits super-pouvoirs, pas quelque chose d'énorme, qui décident de se faire un genre de show de réalité où est-ce qu'ils vont arrêter des vilains. Fait que là, tu sais, ils se filment avec leur caméra, ils mettent ça sur les médias sociaux, sur Internet, etc. Puis à un moment donné, ils décident d'aller voir, d'aller arrêter des criminels dans une école. Puis ce qui arrive, c'est qu'en faisant ça, il y a un des criminels qui a aussi un des super vilains qui a un pouvoir, c'est de se faire exploser. C'est complètement, comme une explosion atomique, ce qui éclate complètement la ville. Ça fait des millions de morts. Ça fait un scandale aux États-Unis, ce qui est totalement comprenable. Et bon, ce qui arrive avec ça, c'est que le gouvernement se dit assez, c'est assez, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on ne peut plus accepter que des gens comme ça, impunément, avec du super-pouvoir, se fassent justicier comme ça, puis que ça cause toujours des dommages collatéraux. Parce que ceux qui n'ont pas vu les autres films entre autres, les autres films de Marvel, à chaque fois que les Avengers, l'équipe de super-héros est là, dans les deux films des Avengers, entre autres, ça finit souvent en gros dégâts matériels et. Évidemment. Il y a un moment où ils ont soulevé un pays au complet dans les airs puis l'ont fait retomber. Là. Ça, c'est dans Age of Ultron. Une petite fin de semaine. Ouais. Bon, ce qui arrive avec ça, c'est que le gouvernement fait passer une loi qui fait que, bon, tous les super-héros, les gens qui ont des super-pouvoirs, les mutants, parce que les X-Men dans les BD, ça fait partie du même univers que les super-héros, les gens même qui n'ont pas de pouvoir, mais qui sont des super-héros, c'est-à-dire les gens, mettons, qui ont juste... disons, The Punisher n'a pas de super-pouvoir, mais il fait son super-héros quand même. C'est un exemple comme ça. Ils vont les obliger à s'enregistrer à un genre de registre gouvernemental des super-héros, puis tu as besoin de t'enregistrer là pour continuer, donc de révéler ta véritable identité au monde gouvernement. Dans le fond, c'est le SHIELD qui gère ça. Ceux qui connaissent un peu l'univers, SHIELD, c'est comme la partie du gouvernement qui s'occupe de gérer les super-héros. Dans les films, c'est Samuel L. Jackson. Bon. Voilà. Et bref, ce qui arrive, c'est que bon, il y a Tony Stark qui est devant une belle statue d'Abraham Lincoln qui repense à la guerre de la Civil War aux États-Unis, la guerre de sécession, puis qui dit des vrais leaders comme ça, tu sais, qui sont capables de faire une guerre dans un pays pour une cause qu'ils trouvent juste, puis qu'il est donc bien émerveillé par ça. Puis là, en même temps, ça arrive, fait qu'il dit, tu sais, moi, je vais m'enregistrer, puis il devient comme le porte-parole des super-héros qui sont enregistrés. Et de l'autre côté, ben, il y a Captain America. Qui dit, mais merde, c'est ma vie privée. Moi, si je donne mon nom, ma véritable identité, publiquement, ce qui va arriver, c'est que les vilains vont s'en prendre à moi, à ma famille, aux gens, à mes proches, etc. Il dit, il y a plein de super-héros dont l'identité secrète a une raison d'être, que sinon, ils vont avoir des dommages collatéraux. Fait que Captain America devient totalement un hors-la-loi et s'oppose à ça. Ce qui fait que, finalement, au lieu d'être, ce qui est original dans Civil War, c'est qu'au lieu d'être des héros contre des vilains, des gentils et des méchants, c'est que là, c'est des héros contre des héros. Les héros, donc, qui sont pour l'enregistrement obligatoire et les héros qui sont contre. D'ailleurs, même dans les BD, je pense que y a les méchants aussi de ces BD-là embarquent là-dedans, puis ils sont aussi également répartis entre les deux. Exact. Donc, les pros, ceux qui sont pour la législation, l'enregistrement obligatoire, vont engager des super-vilains qui vont accepter de s'enregistrer. Et d'un autre côté, ben justement, Captain America et compagnie vont accepter d'avoir aussi des super-vilains qui ne veulent pas révéler leur identité avec eux. Bon, pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que, bon, ça fait quand même partie d'un débat public assez grand qu'on voit un peu partout d'ailleurs. Même les Assassin's Creed aussi, c'est un peu ce débat-là, savoir les assassins contre les Templiers. C'est l'éternel débat entre l'ordre et la sécurité versus la liberté, qui peut être vue comme la liberté individuelle, principalement comme la liberté individuelle, en fait. Et ça l'amène toujours ces questions-là. Puis ça va être très intéressant parce que Marvel ont réussi à prendre une tangente dans laquelle ils sont quand même légèrement politisés. On se rappelle dans Daredevil, d'ailleurs, il y a quelques petites piques justement contre... Il y a beaucoup de grosses piques, en fait, contre la spéculation. Entre autres, Daredevil parle beaucoup de... La série Daredevil parle, en fait, le méchant de la première saison, c'est quelqu'un qui fait de la spéculation immobilière puis qui s'est backé par la mafia, la vente de drogue puis tout, là, mais... Exact. Donc, potentiellement, ce film-là peut être très intéressant parce qu'ils peuvent amener des débats de société. Justement, là, on est quand même dans une période avec la NSA aux États-Unis qui espionne un peu tout le monde impunément. On a eu au Canada une tentative du gouvernement Harper de faire passer un projet de loi semblable qui même allait beaucoup plus loin que le Patriot Act américain parce que là... toute raison était suffisante pour pouvoir espionner quelqu'un, pour pouvoir aller chercher les données de quelqu'un. Et il n'y avait même pas quelque chose au-dessus qui chapeautait ça puis qui donnait un oui puis un non, contrairement aux autres pays qui ont des lois comme ça. T'sais, aux États-Unis, la NSA doit quand même demander des permissions aux gens en haut d'eux pour faire ça, alors que ici, le projet de loi que le gouvernement Harper avait essayé de faire passer, non, c'était pas le cas. Donc, c'est très mitigé. Là, finalement, au moins, ça, là-dessus, il va y avoir beaucoup de changements, on sait, dans ce projet de loi-là. Mais c'est vraiment un éternel débat, à savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour piler sur la liberté des gens, sur leur vie privée, au nom de la sécurité. Puis est-ce que vraiment c'est efficace? Justement, avec les cas des attentats terroristes, les questions qu'on se pose souvent, c'est comme oui, mais est-ce que vraiment ça va empêcher est-ce que ça va empêcher les terroristes d'entrer, de réussir à espionner tout le monde? Parce que... D'ailleurs, il y a des experts en sécurité qui disaient que même que présentement au Canada et aux États-Unis, avec les législations qu'on a, en fait, les agences de renseignement, que ce soit la NSA aux États-Unis ou le SCRS au Canada, ils ont trop de liberté, ce qui fait qu'ils reçoivent, ils ont juste accès à trop d'informations, puis ils n'ont pas les moyens de traiter cette information-là. Puis ce qu'ils disent, c'est que, les agences de renseignement étaient plus efficaces avant ces nouvelles législations-là, parce qu'ils devaient vraiment cibler ce à quoi ils s'attardaient, ce sur quoi ils mettaient leurs ressources. Et donc, ils travaillaient beaucoup mieux dans ce temps-là. Puis en termes de complots qui s'arrêtaient, puis tout, c'était beaucoup plus efficace. Alors que maintenant, c'est toujours des in-extremistes, puis ils perdent immensément de temps et de ressources à suivre des wild goose chase, qu'ils appellent en anglais, là, des leurres, dans le fond, ou des fausses, simplement des aberrations dans les informations qui leur donnent l'impression qu'il se passe quelque chose, mais qu'en fait, il n'y en a pas. Puis, pour revenir un peu plus à la Civil War puis à ce débat-là entre la sécurité et la liberté, ça fait même, je trouve, une belle métaphore avec nos, c'est niaiseux, mais nos smartphones, les réseaux sociaux, tout ça. On met un paquet d'informations là-dessus que n'importe qui peut récupérer. Quand est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qui est la limite de ça? Notre simple consentement, est-ce que c'est suffisant? Puis est-ce que c'est un consentement éclairé quand on met des choses là-dessus? Exact. Puis en fait, c'est un problème qui prend de plus en plus de place. Comme les compagnies d'assurance souvent vont demander d'avoir accès à certaines informations pour baisser le prix. On a le cas ici avec les assurances automobiles. Je note. Hein? Non, pour ceux qui ont vu l'annonce, là, c'est parce qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui, en fait, carrément, ils mettent un module dans la voiture qui évalue notre conduite et qui, sur la base de ça, donnerait des rabais puis là, il y a d'autres compagnies d'assurance qui disent « Ben, nous autres, on n'a pas besoin de ça pour faire confiance à nos clients. » Puis que la fameuse annonce, je pense que c'est Desjardins qui a fait cette annonce-là, où c'est que t'as une espèce de petite madame qui a l'air un peu grébiche assise à côté du monsieur qui conduit, puis qui, à toutes les fois que le monsieur fait quelque chose, elle est là « Je note. » Ouais. Bref. Effectivement, mais il y a même plus loin que ça aux États-Unis. Présentement, il y a des compagnies d'assurance qui t'offrent d'avoir sur toi toujours un petit affaire qui va calculer combien de temps tu marches, tu cours, tu fais du sport dans une semaine pour pouvoir t'offrir un rabais sur ton assurance vie. C'est comme, ben regarde, on t'a espionné pendant un mois de temps, puis on trouve que tu fais pas mal de sport, fait que t'as moins de chances de péter d'une crise cardiaque, fait que tiens, voilà un rabais. Il n'y a pas vraiment de limite légale présentement là, où est-ce que les compagnies d'assurance peuvent aller. Mais y compris pour les trucs avec les autos, c'est présentement tout ce qu'ils disent eux autres, sauf parce que c'est pour se sauver un peu de l'accusation de « ouais, mais c'est pour nous surveiller, c'est pour faire encore plus la police, dans le fond, ça fait votre affaire ». Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que non, en fait, vous pouvez juste avoir un rabais par rapport à ça. Exact. Mais on s'entend dessus que ça ne restera pas comme ça, là. C'est, j'imagine que ça va être à suivre. Ça va être à suivre. C'est pour ça que c'est un débat sur lequel c'est dur de prendre position parce que c'est extrêmement complexe. Mm-hmm. Donc, est-ce que le consentement suffit à abandonner une partie de... Parce qu'il y a toujours l'éternelle phrase qui est « ben, si t'as rien à cacher, t'as pas besoin de cacher ». Mais ça, c'est imbécile. Il y a la réplique, je sais pas si t'as vu la réplique d'Edward Snowden justement à ça. Il dit... dire qu'on s'en fout de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher, il dit c'est comme dire qu'on s'en fout de la liberté d'opinion parce qu'on n'a rien à dire. Ouais, c'est une très bonne réponse, mais en fait, la réponse peut-être un peu plus érudite à ça, c'est qu'on a des droits fondamentaux, puis ben, la question présentement, c'est est-ce que ça empiète sur nos droits fondamentaux, puis la réponse évidente, ben, c'est ouais. Évidemment. Donc, faisait le tour de... Je voulais juste finir avant d'avoir fait le tour complètement, ce que je voulais dire par là, c'est que son empiète sur nos droits. Même les criminels ont des droits parce que c'est des êtres humains, eux autres, avec. C'est juste ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Bon, c'est parfait. Sur ça, on part en pause et on vous revient. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. C'est fou.ca. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission officielle de la fierté gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes toujours avec moi-même, Sébastien Gartin et Lucas Hubert qui me trouvent bien drôle. Oui, je sais pas où c'est que tu vas chercher toutes ces conneries-là. Dans ma tête. Ah, ça a l'air d'être un endroit plaisant à vivre. Ouais, ça dépend des jours. Bon. Fait que maintenant, c'est le tour de mon éditorial. Donc, ah oui, de quoi tu nous parles? Ben, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Christophe Colomb. Pas de Christophe Colomb. Christophe Colomb, oui, parce qu'il n'a pas fait vraiment l'actualité, mais moi, je trouve qu'il devrait. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, en Australie, la semaine passée, il y a eu un mini-scandale. En fait, c'est qu'ils ont découvert que dans tous les livres d'histoire, tout ça, il y avait changé le mot, parce qu'eux autres, celui qui habituellement on dit qu'il a découvert l'Australie, c'est un Anglais qui s'appelle James Cook. Puis bon, ils ont changé le mot « découvrir » dans les livres d'histoire australiens pour « envahir ». Donc, James Cook n'a pas découvert l'Australie, il l'a envahi. Donc, ça a fait un scandale auprès de la droite australienne, qui disait « mon Dieu, c'est du révisionnisme historique, puis tu sais, c'est notre fierté, etc., etc. » même la droite a reproché au comité en éducation qui avait décidé de faire ça, d'essayer de faire dans le politically correct, parce que oui, hein, une invasion, c'est super correct, il faut, tu sais, c'est vraiment correct de dire ça. Je sais pas trop où c'est qu'ils veulent en venir, mais bon... C'est peut-être de reconnaître que leurs autochtones ont vécu une invasion, ont été attaqués. C'est peut-être ça, tu sais. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a The Guardian qui rapportait un peu les événements, puis qui la chute de l'article qui rapportait l'événement. Et en fait, dire que les Anglais ont envahi l'Australie plutôt que de dire que les Anglais ont découvert l'Australie, c'est ce qu'on appelle un fait. Ce qui est une belle chute et c'est ce qui est effectivement vrai. Et ce qui m'a amené à me poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose avec Christophe Colomb ici? Ben, je veux dire, de un, c'est déjà un mensonge en soi de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Pour deux raisons. Premièrement, il n'a jamais mis les pieds en Amérique. Et lui, il était dans des îles dans les Antilles, dans les Bahamas, en Haïti, etc. Il savait même pas qu'il y avait un continent à l'autre bord de ces îles-là. Puis lui, de toute façon, il pensait qu'il était sur des îles chinoises. Bon. En Inde, en fait. Dépend des versions. En fait, c'est plus en Chine qu'il croyait qu'il était qu'en Inde. Mais à l'époque, il pensait que la Chine puis l'Inde, c'était pas mal à côté. En tout cas. L'Indochine. Tout ça pour dire, ben bon, premièrement, c'est déjà de base faux de dire qu'il a découvert parce qu'il n'est pas jamais allé en Amérique. Et qu'ensuite, de toute façon... il l'a pas découvert. Il y a des gens qui étaient là avant eux. Bon, on a des preuves empiriques que les Vikings étaient là avant Christophe Colomb et on a de plus en plus de témoignages qui diraient que les Phéniciens seraient allés avant les Vikings. Mais probablement qu'on n'aura jamais de preuves matérielles de ça, donc ça va rester de la spéculation. Fait que bref, déjà là, de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est touché. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment dire qu'il n'a pas envahi, il n'a pas découvert l'Amérique, qu'il a envahi? Je me suis posé la question, en fait, quand on regarde un peu dans les livres d'histoire qui font pas juste un éloge de Christophe Colomb, ben on découvre qu'en fait, le personnage était pas mal plus dark que ce qu'on pense. Puis là, avant que tu continues, il y a juste une chose qu'il faut spécifier. Au Canada, on le fait pas vraiment, mais aux États-Unis, ils ont vraiment un jour férié fédéral qui est Christopher Columbus Day. Là. Exact. La plupart des États, peu à peu, l'abolissent justement à cause de ce que je vais vous dire, d'ailleurs. Mais c'est pas le fédéral, c'est les États qui, présentement, la plupart, je crois, ont aboli le Columbus Day. à cause de ça, parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment pas bien pour les Autochtones. Bon. En fait, là, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, là, on peut se dire que c'est la seule fois de l'histoire où des gens auraient eu raison de dire « maudits migrants qui viennent ici pour nous envahir hein? ». Déjà en partant, on peut se dire ça. Bon, ensuite, si on lit les mémoires de Christophe Colomb, on voit qu'en arrière, son but, c'était pas tant de découvrir que la Terre, de prouver que la Terre était ronde. Son but, en fait, c'était de se faire de l'argent et d'avoir des. Il s'était fait promettre des titres par le roi d'Espagne. En fait, quand il est arrivé sur la première île qu'il a découvert dans les Bahamas, dans ses mémoires, la première chose qu'il écrit, c'est il ne connaît pas, c'est pas l'acier, leurs lances sont en bambou. Ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. Quand même, hein? Le premier contact, c'était ça. Ensuite, il remarque que les Autochtones qui l'accueillent, ils nourrissent, ils logent, sont super gentils, ils traitent super bien. Puis il remarque que certains hauts placés de ces Autochtones-là ont des petits pendentifs aux oreilles, vraiment des piercings, avec de l'or. Bon. Qui est-ce qui demande plus que ça comme raison pour commencer un génocide? On se le demande. Fait que est arrivé ce qui est arrivé. Ils leur ont demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé cet or-là. Les Autochtones leur ont un peu donné le chemin pour qu'ils se rendent à Haïti, l'île d'Haïti. Là, à l'époque, c'était Espagnola. Donc, il se rend à son deuxième voyage en Haïti. Là, il a ramené des gens avec lui pour réussir à soumettre les populations. Il se rend à un village. Il réduit à l'esclavage 1500 personnes, mais il trouve pas d'or. Puis, il avait promis au roi d'Espagne qu'il reviendrait avec des cargaisons. Donc, son moyen de se faire de l'argent, c'est qu'il sélectionne parmi les 1500 personnes qui sont là. Oh, il y a des gens qui marchent sur le toit. Il y a des gens sur le toit, oui. Oui. Bon, il sélectionne parmi les 1500 Autochtones qui avaient réduit en esclavage les 200 meilleurs et il les ramène en bateau. Puis il commence à faire comme ça des transports d'Autochtones en Espagne pour les Mais vendre comme esclaves. Christophe Colomb était un vendeur d'esclaves. Effectivement, sauf qu'à un moment donné, il réalisait que c'était dur de se faire de l'argent avec ça parce que la plupart mouraient pendant le voyage. Donc, il s'est dit, il faut que je trouve une autre façon. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit la population d'Haïti en esclavage au complet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imposé pour chaque Autochtone un quota d'or que les Autochtones devaient leur apporter pendant, c'était des trimestres. Et les Autochtones qui n'arrivaient pas à remettre leur quota d'or, ils étaient saignés à blanc. Ah, juste ça. Juste ça. Les conditions des gens en Haïti étaient tellement pénibles, les Autochtones, que les femmes noyaient leurs enfants après avoir accouché. Parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup plus noble de noyer leurs enfants que de leur permettre de grandir et de vivre ce qu'ils vivaient présentement, ce qu'ils vivaient à ce moment-là. En 2 ans, la population d'Haïti, qui était de 250 000 personnes, 250 000 Autochtones, a diminué de moitié en 2 ans. Quand même. 50 ans plus tard, il en reste 500. Mais aujourd'hui, on se demande pourquoi Haïti est un pays noir. C'est qu'il n'y a plus d'Autochtones parce qu'on leur a fait de la passe. C'est carrément un génocide. Donc, je crois que pour parler de Christophe Colomb, le mot génocide est à utiliser et que dire que Christophe Colomb a envahi l'Amérique et non découvert, ça irait de soi. On a d'ailleurs les meilleures sources qu'on a de l'époque, c'est sur un prêtre qui était avec l'équipage de Colomb qui s'appelait le prêtre Cassas. Je ne sais pas si je le prononce bien. De toute façon, l'important, c'est ce qu'il a écrit. Il raconte, par exemple, que les Espagnols, ils pouvaient tuer une douzaine d'Indiens juste pour essayer une nouvelle épée. Comme, j'ai une nouvelle épée, je vais voir si ça fonctionne. 12 Indiens, comme ça. C'était quelque chose de fréquent. OK? Ensuite, ils répugnaient, à force de vivre comme ça avec une main-d'œuvre, disons, très servile, ils ont fini par trouver répugnant de se déplacer. Donc, c'était toujours les Autochtones qui devaient les transporter, et même quand ils étaient pressés, ils montaient sur le dos d'un Indien. Je dis Indien parce que c'est ce qui est écrit là, dans les mémoires de Cassas, du prêtre Cassas. Donc, ils montaient sur le dos d'un Indien, ils disaient à l'Indien de courir pour le porter au poing, puis si l'Indien n'était pas capable, il tuait. Puis si l'Indien mourait d'épuisement en le faisant, il sautait sur l'autre Indien d'à côté pour continuer son voyage. OK? Et ça continue. Il estime, en fait, le prêtre qui était là, il estime que lui, il a été en Amérique pendant à peu près 50 ans. Il était avec les missionnaires. Lui, il est resté sur place. Il a eu lui-même une plantation pendant un bout de temps, mais il a fini par vendre ça parce que ça l'écœurait et qu'il n'était plus capable de vivre avec lui-même. Lui estime que seulement entre 1494 et 1508, c'est 3 millions d'Autochtones qu'il a vu mourir. Que lui-même a vu mourir. Genre. Ça, c'est celui qui avait une conscience dans la gang. Ça, c'est celui dans la gang qui avait une conscience. Il y avait aussi des esclaves. C'est le premier qui a proposé au roi d'Espagne, « Hey, les Autochtones, ils meurent facilement. On pourrait emmener des Noirs à la place. Ils sont un peu plus forts et sont capables de... Ils meurent moins facilement. » Il l'a regretté, d'ailleurs, par la suite. Il l'a regretté dans ses mémoires. Il dit qu'il en tremble. Il a les mains qui tremblent quand il repense à tout ce qu'il a fait et à tout ce qui arrive à cause de lui. Donc, c'était pas mal mon historial la journée. C'est un peu dark, je m'en excuse, mais je crois qu'on aurait peut-être besoin, nous aussi, d'un petit révisionnisme historique, d'arrêter de... En fait, de faire une révision, c'est-à-dire de revoir notre histoire. Exact, pour y aller avec, tu sais, des faits. Et non, ouais. Juste se dire, ouais, mais c'est lui qui l'a découvert, fait qu'il devait être bien sympathique, puis un grand homme. Non, non, non, c'était vraiment un trou de cul. Comme on dit, l'histoire est écrite par ceux qui gagnent. Exactement. Donc, c'était tout pour mon éditorial. C'était tout pour ton éditorial. Puis là, on serait dû pour un... cette semaine, on va se dire que l'herbe est pas si pire jaune sur le campus. Parce qu'au lieu de parler des primaires américaines, j'ai décidé que cette semaine, je vous parlais des élections qu'il y a sur le campus. Ben oui, on ne savait pas. Hein? la plupart des jeunes ne savent même pas, en fait, souvent. Mais oui, c'est ça, c'est les élections de l'OGE présentement. Puis on a même un référendum en même temps. Mais ça, je vais y venir un peu plus tard. J'aimerais juste dire premièrement un mot sur les élections. Premièrement, aller voter. Puis deuxièmement, j'aimerais dire à quoi ça sert les élections, des élections dans une association étudiante. Ça sert si on veut aller représenter l'ensemble des étudiants, je dis bien l'ensemble, et travailler à améliorer leur qualité de vie, particulièrement en ce qui a trait à leurs études. Ce que c'est pas, c'est un moyen d'aller se chercher du financement pour parier à celui qu'on a perdu parce que le SAE s'est tanné de nos niaiseries. Donc, c'est ça. Ensuite, en même temps que les élections, comme j'ai dit, il y a le mot en R qui fait peur, il y a un référendum. De quoi ça parle, ce référendum-là? Comme j'ai dit en début d'émission, j'ai parlé un peu d'association nationale. J'ai déjà parlé dans les autres semaines de pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec les associations nationales, mais on va en reparler encore un peu. Parce que, bon, ce qui arrive, c'est qu'en même temps qu'on vote pour qui va nous représenter sur l'exécutif de l'OGE l'année prochaine, on vote aussi pour savoir si notre association va s'affilier avec l'AVEC, qui est l'Association pour une voix étudiante au Québec. Premièrement, il faut dire que, bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai un problème fondamental avec la notion d'association nationale. En ce qui me concerne, en fait, c'est une structure qui n'a juste pas de sens. Ça a peut-être été intéressant à une certaine époque, mais présentement, en fait, tout ce que les associations nationales peuvent faire pour le mouvement étudiant, des structures ad hoc, c'est-à-dire des structures qui existent juste un moment dans le temps, qui sont juste pour une cause particulière dans le temps, peuvent faire exactement la même job. En gros, une association nationale, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse machine à laquelle les associations locales, comme notre AGE UQTR est une association locale, vont s'affilier et ainsi tenter d'essayer de profiter d'une certaine représentation au niveau national, entre autres par rapport aux politiciens, quand on a, par exemple en 2012, des causes à faire avancer. On s'entend, le mouvement étudiant québécois, ses plus grands succès, ça a été des causes, ce qu'on pourrait appeler des causes négatives, c'est-à-dire empêcher des choses. Là, il y aurait tout un historique à faire. Il y a eu des causes positives. D'ailleurs, la création du ministère de l'Éducation et des UQ, c'est des suites du mouvement étudiant du début des années 60, de la fin des années 50. Mais dans l'histoire récente, c'est pour ça que je dis que ça a déjà été pertinent, en fait. Mais dans l'histoire récente, en fait, il y a une espèce de magnifique cycle qu'on pourrait dire que c'est un peu le cycle des partis politiques, mais en accéléré, où ce que les associations étudiantes se fondent, sont extrêmement idéalistes, se font traiter de radicales à tour de bras, parfois avec raison, et de plus en plus s'embourgeoisent, se mettent à augmenter leurs cotisations, se mettent à payer de plus en plus, à défrayer de plus en plus de choses pour leurs employés, leurs exécutants. Et finalement, arrive un moment, comme par exemple 2012, où il y a une campagne majeure et que l'association n'est pas prête parce que c'était rendu une association de « on se maintient en vie, on se maintient en bureaucratie, puis on justifie notre poste et c'est tout ce qu'on fait ». Donc, C'est un peu ce qui est arrivé à la FERC l'année dernière, c'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient membres de la FERC ont été très mécontents de sa gestion du mouvement en 2012, et ce sont des affiliés. À l'OGEQTR, on a été affiliés avec eux autres jusqu'à 2009, puis à ce moment-là, on s'est tanné des coûts que ça engendrait pour l'OGE de faire partie de ça. On n'avait pas l'impression que l'argent était bien investi. Et en plus, il y avait un manque de représentativité parce qu'à l'époque, le mode de fonctionnement de la FERC, en gros, c'était contrôlé par les votes, dans le fond, par association, étaient vraiment au nombre d'étudiants représentés. Ce que ça fait, c'est qu'une association, mettons, dans le temps, 10 000 membres comme l'OGEQTR, avait absolument aucun poids face à des associations comme Montréalaise qui en représente 30 000, 35 000, ou encore de la Ville de Québec. Mais en même temps, certains te répliqueraient que quand même faire partie d'une association nationale, c'est la seule façon d'avoir voix au chapitre s'il y a des négociations. Si on parle par exemple du sommet de l'éducation, où est-ce que la GEQTR finalement n'a pas été représentée parce qu'il ne faisait pas partie d'une association nationale? Bien, effectivement, c'est un petit défaut. Mais moi, ce que je dis, c'est que pourquoi est-ce qu'à la place, on ne se créerait pas? Il existe déjà une chose à laquelle le mouvement étudiant québécois a eu recours à certains moments, qu'on appelle un RNE. C'est un rassemblement national étudiant. Dans le fond, c'est qu'on assoit toutes les associations étudiantes ensemble. Ça donne une longue fin de semaine, souvent un peu pénible, mais par exemple, la plus grosse manifestation en 2012 a été organisé lors d'un RNE comme ça. Puis ça serait très facile, très facile. Comme je dis, ça donnerait une fin de semaine laborieuse, mais c'est possible de élire des représentants qui représentent l'ensemble du mouvement étudiant et non seulement une frange qui se dit représentative, parce que c'est toujours ça, les associations étudiantes. Je pense pas que c'est arrivé qu'une asso nationale représentait l'ensemble du mouvement étudiant en même temps, même pas l'ensemble du mouvement étudiant universitaire. Ça se ferait très bien d'élire des représentants ad hoc à ce moment-là pour aller aux tables de négociation. Et ça représenterait à ce moment-là l'ensemble des étudiants. C'est pas mal ça. Par contre, comme je disais, j'ai parlé de l'UEC en début d'émission. Excusez-moi, j'ai de la misère à suivre ma pensée des fois. C'est ça que ça fait d'avoir le dos barré. Oui, ça a un effet là-dessus aussi. Donc, c'est ça, je parlais de l'UEC, qui est en fait le bébé de ceux qui ont... Les derniers qui ont quitté le bateau de la FERC ont refondé ça. C'est ça, c'était ça un peu la blague d'ailleurs. Ils refondent une deuxième FERC en fait. Puis l'AVEC, c'est une tentative plus régionale de créer une association étudiante. Donc, si on oublie tous les problèmes que j'ai avec la notion d'assaut national, l'AVEC est probablement est la plus intéressante des deux pour nous autres. D'ailleurs, je salue la décision de l'exécutif, parce qu'à un moment donné, l'exécutif, ils ont un job à faire, puis c'est de décider c'est quoi qui est à poser la question. Au début, ça avait été dit que sur le bulletin de vote, ça serait soit rester indépendant, soit s'affilier avec l'AVEC, avec l'UEC ou avec l'AC même. L'AC qui ont des positions qui ne sont pas très, très cohérentes avec les notes. Puis en fait, c'est assez simple de dire, regardez, le GEQTR, à travers le temps, a pris différentes positions politiques. Puis c'est simplement de regarder, quelle association lui ressemble le plus? C'est l'AVEC, évidemment. D'ailleurs, le GEQTR, l'exécutif de l'OGE a servi à faire une partie de la job de bras de la création de ça. Donc, c'est juste logique qu'on nous pose la question d'eux. Puis, je ne prendrai pas plus position que ça. Je pense que, en ce qui concerne les associations étudiantes, c'est ce qu'on a de mieux qui s'offre à nous présentement. Mais est-ce vraiment pertinent une association nationale? Moi, je ne crois pas, mais je vais laisser au bon entendement de ceux qui nous écoutent et qui ont le droit de vote sur la question, évidemment, de se pencher là-dessus. D'ailleurs, c'est sur le portail étudiant pour aller voter. Oui. Juste à vous connecter, puis ça va être à droite, là, à côté des courriels. Oui, c'est en vert, voter ici, AGE. Et voilà. Sinon, on serait rendu à notre prochain segment? Oui, on serait rendu, en fait, on voulait se faire une petite discussion de gang à deux sur le populisme en humour, puis je pense que tu avais de quoi à dire là-dessus comme prémisse à la chose. Là. En fait, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Il y a eu un mini-scandale, vraiment une tempête dans un verre d'eau. C'est Guy Nantel qui a partagé sur sa page Facebook une vidéo de Justin Trudeau et Mélanie Joly avec la communauté sikh. Les deux portaient des petits turbans orange. si je me souviens bien, qui est bon, les turbans de la communauté Sikh. Dans le fond, la raison de faire ça était de s'excuser pour quelque chose que le gouvernement canadien avait fait au début du 20e siècle, qui était de retourner un bateau avec beaucoup de réfugiés Sikhs dedans, puis de les retourner à l'endroit d'où ils venaient, où est-ce que c'était dangereux pour leur vie. Donc, tu sais, ils sont allés là pour un peu s'excuser de ça, parce que disons que dans la communauté Sikh, c'est quelque chose qu'il y avait encore de travers... Que cela a été fait. Bon, bref, il y a juste Guy Nantel qui a partagé la vidéo pour pointer là, à regarder nos dirigeants avec les turbans Sikh. On est rendu là. C'est le commentaire qu'il a fait. On est rendu là. Après ça, il y a Simon Jaudoin, le rédacteur en chef du Voir. En fait, avant que Simon Jaudoin commence, faut noter que la réponse de le call de Guy Nantel est ordinaire, on s'entend. Mais le problème, c'est que ça l'a fait sortir ça l'a servi un peu de dog whistling, peut-être un peu involontaire, pour la gang de racistes, on va le dire. Ouais, ouais. D'identitaires qui aiment pas les immigrants puis qui veulent rester entre bon blanc francophone ou en tout cas. Exact. Mais bon, c'est ça. Justement, Simon Jaudoin a écrit dans Le Voir un article qui s'appelle « Avec qui ris-tu, Guy Nantel? » qui posait la question « Pourquoi à toutes les fois que tu fais des blagues comme ça, c'est toujours justement des gens racistes, des gens qui savent pas écrire, des gens avec des propos inacceptables qui vont réagir, qui vont rire, qui vont trouver que ce que tu dis c'est pertinent et qui demandent à Guy Nantel, ça serait peut-être pertinent que tu te remettes toi-même en question. » Puis que tu repenses à ces affaires-là ou que tu t'informes un peu, il y a moyen de trouver ça drôle que Justin Trudeau porte un turban orange. Écoute, l'image en tant que telle est drôle, effectivement, mais est-ce qu'on peut se poser la question dans la façon de faire des blagues avec ça si on fait pas juste comme nourrir une espèce de bête un peu dégueulasse? Et bon, c'est ça. L'article était très bien. Mais ensuite, bon, il y a Guy Nantel qui est venu, qui est allé répondre, puis là, qui a commencé à pointer du doigt, là. Regardez, hein, nos politiciens, ils font juste ça pour gagner le vote des immigrants, qui est de plus en plus important, puis c'est de la faute du multiculturalisme, etc., etc. Puis là, ça, là, mettre ça sur la faute du multiculturalisme, là, je tiens à dire que dans valises, en quelque part, là, j'ai un lexique du prof Gertin sur le multiculturalisme, sur calmez-vous-le un peu. Le multiculturalisme, pas bon, là. Mais tu sais, je dis pas, en plus, ça aurait peut-être un commentaire qui aurait été pertinent à faire si il serait juste allé comme ça, mettre un turban sans raison dans une communauté. Encore là, ça aurait moins passé. Mais là, en plus, il était là pour s'excuser du fait que le gouvernement canadien a fait un geste qui est considéré avec le recul comme un geste extrêmement immoral, et pour c'est un peu pour se faire pardonner de ça qu'il est allé pour demander pardon. Donc je veux dire, en tout cas, c'est pas très légitime, et ce qui nous a amené à se poser la question, le populisme en humour. Moi, ce qui m'énerve, c'est que en fait, on a beaucoup, j'ai l'impression, d'humoristes au Québec qui sont extrêmement paresseux dans leur écriture, puis qui essayent de faire rire les gens seulement en les confortant dans leurs préjugés. Qu'on parle de rire, justement, des immigrants, des Sikhs, de communautés comme ça. Rire des gros, rire des autochtones, c'est facile. C'est facile faire une blague où est-ce qu'on rit des gens les plus défavorisés comme ça. Et je trouve ça extrêmement lâche, surtout pour des gens comme Guy Nantel qui disent qu'ils font de l'humour politique, de l'humour engagé. C'est comme, comment en fait, pas rien que politique engagé, Guy Nantel prétend que son humour sert à ouvrir les yeux des gens sur ce qui leur pend au bout du nez et de quoi ils n'ont pas conscience. Et pourtant, c'est ce qui manque terriblement à l'humour au Québec, et surtout à Guy Nantel, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle du courage et de l'audace. Ça serait bien, tu sais, de l'humour qui ose être informé, puis qui va à l'encontre des préjugés des gens. Et là-dessus, j'aimerais parler un peu mon exemple à moi, ce serait John Oliver. John Oliver qui a un show aux États-Unis à HBO. Pour qui on n'a pas encore assez fait de promotion à notre émission. Là. Ah non, honnêtement, on n'en fait jamais assez. Puis honnêtement, John Oliver, ce qui est bien, c'est que de un, quand il fait... C'est hilarant, là, son show, là. Mais c'est que c'est extrêmement informé. Il va pas juste comme lâcher des opinions comme ça qui vont conforter les gens. Il va aller chercher des faits. Il va faire des jokes avec ça. Et que dans la plupart des cas, les positions qu'il va prendre vont aller à l'encontre de ce que les gens intuitivement diraient. Et je trouve ça extrêmement courageux, en fait. Je me demande... des exemples, John Oliver, il fait une chronique... un sketch, si on veut, un segment sur la réhabilitation des criminels. Essayer de faire rire sur ce sujet-là, c'est courageux. Et essayer de convaincre les gens, en plus, en les faisant rire, C'est dur d'avoir les gens qui sont en accord avec soi quand on défend les criminels, quand on se défend l'assouplissement des conditions des détenus, l'amélioration des filets sociaux pour les plus pauvres. C'est bien plus facile de faire une joke de BS qui attend son chèque. Je veux dire, et je me dis, c'est où ça au Québec qu'on a des humoristes comme ça, qui sont courageux, qui vont pas juste comme conforter les gens dans leur ignorance? Puis là, j'en vois plein commencer à dire, ouais, mais tu sais, au Québec, c'est parce qu'on aime pas ça, là, si, puis on est de même, puis on est si, puis on en a déjà eu, c'est ça le pire. Regardez, ils vont des champs. Il y en a fait, là, lui, souvent, c'était par la grosse ironie pour faire se rendre compte à quel point, est-ce que justement, ces genres de points de vue-là n'avaient pas d'allure. Lui, il poussait à fond. Mais il a quand même conscientisé un paquet de gens sur des causes comme le féminisme, comme la lutte à la pauvreté, la lutte au racisme. Le réchauffement climatique. Exactement. Les vieux. un paquet de choses. Mais sinon, on en a quand même ici. On a Louis T, qui n'est pas mon préféré, mais c'est quand même sensiblement quelque chose comme ça qui fait. La plupart du temps, je suis pas d'accord avec lui, mais merde, quand il fait de l'humour politique, il se base sur des faits. Et puis il va confronter les gens au lieu de les conforter. Et je trouve que ça manque tellement ici. On dirait que les gens ils veulent se faire caresser, ils veulent se faire conforter dans leur idéaux, se faire dire que eux autres sont donc bien corrects, puis c'est donc bien tout le monde en dessous d'eux. Même ce qui est supposé d'être un peu confrontant quelque part, ou qui se veut plus de l'attaque, ben on pense au Guy Nantel participe à ça d'ailleurs, l'espèce de faux parlement là, où ce que qu'ils font là, avec c'est plein d'humoristes, le Mike Ward est là-dedans, Mercier là-dedans, les parlementeries, c'est ça. On s'entend à. C'est supposé d'être une genre de critique de notre système politique, puis tout ça. Puis finalement, c'est juste des jokes sur le fait que les politiciens sont incompétents, tu sais. Ça, c'est un autre gros mythe. Ils sont pas incompétents, nos politiciens. Ils ont juste un agenda qui est pas du tout celui du bien commun. C'est juste ça. Et bien souvent, effectivement. Ce qui fait que, je crois qu'on aurait besoin de faire un appel à l'audace au Québec pour. C'est surtout que l'humour s'est tellement battu pour avoir un statut au Québec, pour être considéré comme une forme d'art, alors que souvent c'était dénigré. Et merde, de l'art, ça sert à ça. Ça sert à confronter, ça sert à faire réfléchir, ça sert à faire avancer des choses. Ça sert à ça, l'art. Merde, l'humour, t'as réussi à avoir ton titre, défends-le, merde. C'est ça, c'est pas supposé d'être juste une diversion. Fait que, ça me semble être déjà tout pour aujourd'hui, en fait. C'est pas mal ça. On va être en rediffusion samedi à 9h et en balado-diffusion dès que je suis en mesure de mettre ça en ligne. Surveillez d'ailleurs notre page Facebook à cet effet. Vous pouvez même épier notre page Facebook si vous voulez. Nous, on va être de retour la semaine prochaine pour toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche. Mais pas juste une toute nouvelle, la dernière de la saison. La dernière, effectivement. La dernière de la saison, fait que jeudi prochain à 13h, pour La sortie de secours est à votre gauche, où la liberté a bien meilleur goût.